Chapitre 6. Accusation. Le juge d'instruction s'installa dans le cabinet, puis il dicta à son secrétaire un procès-verbal de l'état dans lequel on avait trouvé le cadavre du négociant. Les traces du vol étaient manifestes. Le malfaiteur avait vidé la caisse. Peut-être ne songeait-il point à commettre un assassinat. L'arrivée subite de M. Pomereul avait décidé de son sort. Quand ce premier travail fut terminé, le médecin se prononça à son tour. « Monsieur le juge d'instruction, dit-il, en constatant des traces de sang sur le visage et les vêtements de la victime, j'ai pu penser qu'il avait reçu quelques blessures faites avec un instrument contondant, ayant broyé une partie du crâne. Mais après avoir lavé le sang qui tachait le visage, je n'ai remarqué aucune plaie, à peine une légère ecchymose. » La tuméfaction de la face, les traces laissées sur le cou par les mains du meurtrier, prouvent d'une façon irréfragable que la victime a succombé à la strangulation. Mais alors, ce sang est celui de Liplap, qui a été atteint de deux coups d'un poignard triangulaire, l'un à l'épaule, l'autre dans la poitrine. Et vous en concluez, docteur ? Je rétablis la scène telle qu'elle a dû se passer. Monsieur Pomereul est accouru sur le théâtre du crime. Le voleur l'a saisi à la gorge et comme Liplap voulait défendre son maître, on l'a assassiné. J'emploie ce mot à dessein, car ce misérable chimpanzé a fait acte d'humanité et d'intelligence. L'assassin une fois parti, Liplap, fermant tant bien que mal sa blessure d'une de ses mains, s'est traîné près de Monsieur Pomereul. Il a cherché la place du cœur pour voir s'il battait encore. Il a interrogé le front glacé désormais. Et voilà pourquoi nous trouvons des marques sanglantes sur les habits et la tête de la victime. Vous voudrez bien, docteur, écrire votre procès-verbal. J'ai pensé les blessures de Liplap, reprit le médecin. Je suis de ceux qui croient que l'instinct des bêtes atteint souvent très haut. Rien n'est à dédaigner dans une cause grave. Or, une chose m'a vivement frappé. Quoi donc ? Demanda le juge d'instruction. Ceci, répondit le docteur en plaçant une touffe rougeâtre couverte de caillots de sang devant le magistrat. Et c'est ? Ce sont des cheveux. Une touffe de cheveux d'un rouge ardent que Liplap tenait dans sa main crispée. L'excès de la douleur ne les lui avait pas fait lâcher. Seulement, en appuyant sa main sur sa poitrine, dont le sang coulait en abondance, cette touffe de cheveux d'une nuance étrange et rare s'est teinte du sang du chimpanzé. C'est peut-être à cette bourre qui a fermé la plaie que Liplap doit de n'avoir pas succombé. La mèche de cheveux rouges fut étiquetée comme tout ce qui devait servir de pièce à conviction. Le juge d'instruction, par égard pour les enfants de M. Pomereul, commanda qu'on ne les éveillât point. Il était à peine 7 heures. Sabine et Xavier dormaient. Quant à l'abbé Sulpice, il n'était pas encore rentré. L'interrogatoire des domestiques fut des plus sommaires. Aucun d'eux n'avait connaissance du crime et ne pouvait par conséquent éclairer la justice. Le concierge seul pouvait donner des indications précises. Mais nous avons dit qu'au moment où Rat de Cave et Fleur d'Échafaud tirèrent le cordon, le fonctionnaire de la loge, plongé dans un sommeil profond, avait vaguement entendu prononcer le nom de l'abbé Sulpice. Aussi questionné par le juge d'instruction, se borna-t-il à répondre. « Monsieur le magistrat en a sonné, j'ai ouvert, une voix m'a demandé monsieur l'abbé Pomereul. Je le croyais rentré, j'ai répondu monter. Presque aussitôt, monsieur l'abbé a sonné à son tour. Il a sans nul doute rencontré dans l'escalier les hommes qui réclamaient son ministère, car ils sont sortis ensemble. « Monsieur l'abbé Pomereul est chez lui ?» demanda le magistrat. « Non, monsieur. Quand il rentrera, vous nous préviendrez. Vous pouvez vous retirer. » Baptiste fut mandé. De même que les autres domestiques couchant au dernier étage de la maison, il ignorait complètement les détails de cette nuit fatale. Il avait trouvé, en descendant, la porte fermée, comme d'habitude, et la serrure ne présentait aucune trace d'effraction. On écrivit sa déposition, puis le magistrat ajouta « Vous êtes depuis longtemps au service de la famille. Votre jeune maître ne peut tarder à rentrer. révélez-lui toute la vérité, et que lui-même prépare M. Pomerol-fils et sa sœur à nous voir remplir notre mandat. » Le juge d'instruction et le commissaire de police reprirent leur place au bureau sur lequel se trouvait étiqueté premièrement le trousseau de clés du négociant, deuxièmement la touffe de cheveux ensanglantés trouvée dans la main de Liplap, troisièmement un morceau de toile fine déchiré violemment et qui avait été ramassé près de la porte en fer de la caisse. Le juge d'instruction, M. Gobert, approchait de 50 ans. Il avait la taille haute, sèche plutôt que maigre, le front bombé, dégarni de cheveux, un nez mince aux narines mobiles, la bouche pâle, le teint presque blafard. Ses yeux, d'une profondeur peu ordinaire, dardaient un regard acéré, une flamme intense. Ce regard faisait plus qu'interroger, il fouillait. M. Gobert exerçait sa profession avec un zèle infatigable et possédait dans la mission difficile qui lui était confiée par la justice d'éminentes qualités. L'intégrité la plus austère dictait ses arrêts. Rien n'était capable de l'influencer ni de le fléchir. Seulement, et c'était à peine si on pouvait lui en faire un reproche, l'habitude de voir les criminels avait éteint en lui la confiance, l'abandon. Il se tenait toujours et partout sur ses gardes. Il voyait l'humanité par ses côtés pervers et malsains. Le crime ne l'étonnait plus. La vertu seule le surprenait. Il l'admirait comme une sorte de phénomène. Le commissaire de police, M. Aubry, était tout autre. Jeune encore, jurisconsulte de talent, esprit fin, littérateur pendant ses loisirs, il gardait, malgré son énergie et son habileté, des côtés humains spontanés. Il voyait moins de coupables et découvrait plus de malheureux. Accoutumé au spectacle de beaucoup de misères, il dégageait souvent de ce sinistre milieu des tableaux touchants, des figures presque héroïques. Il gardait un cœur aimant sous sa cuirasse de magistrat. Pendant que M. Aubry et M. Gobert remplissaient les devoirs de leur charge, Sulpice Pomereul regagnait l'hôtel en chancelant et montait péniblement l'escalier. Arrivé enfin sur le palier, il tira le cordon de la sonnette avec une agitation fébrile et Baptiste vint lui ouvrir. À peine l'abbé Sulpice se trouva-t-il dans l'antichambre que le digne serviteur tomba à ses pieds en sanglotant. « Mon maître, mon cher maître, dit-il, du courage !»« Mon père, balbutia Sulpice, venez !» Venez le voir, venez prier. » Baptiste entraîna le prêtre dans la chambre de Pomereul. Le corps de la victime était étendu sur son lit. Une main pieuse avait jeté un mouchoir sur sa face tuméfiée. Sulpice leva ce voile et s'inclina. À genoux, les mains jointes devant ce cadavre, le cœur broyé, les yeux brûlants, il ne trouva d'abord que des sanglots. Puis la prière monta de son cœur à ses lèvres, et peu à peu une sorte d'apaisement succéda à la tempête de cette grande douleur. Quand Sulpice se sentit assez fort pour soutenir les autres, il demanda à Baptiste « Et Sabine ? Mademoiselle n'a pas quitté sa chambre. » Une seconde après, Sulpice entrait chez sa sœur. L'appartement de la jeune fille, séparé de celui de son père par un salon, la salle à manger et un boudoir, était assez éloignée pour que Sabine n'eût entendu aucun bruit, ni durant la nuit, ni pendant les premières heures de la matinée. Il se faisait d'ailleurs un tel mouvement à l'hôtel Pomereul que quelques allées et venues de plus ou de moins ne l'auraient pas surprise. Elle venait d'achever une toilette très simple quand Sulpice fut introduit chez elle. Sabine poussa un cri en voyant des traces de larmes sur son visage. « Qu'y a-t-il, grand Dieu ? » demanda-t-elle. Puis, se souvenant des paroles prononcées la veille par son frère, elle ajouta, en fixant un regard plein d'angoisse sur Sulpice, « Xavier ? Il ne sait rien encore. Tu pleures ? Xavier ne sait rien, dis-tu ? Il est arrivé un malheur dans cette maison, et ce malheur... Ah ! » fit-elle avec un cri. « Mon père ! » « Ma sœur, ma Sabine bien-aimée, » dit Sulpice en soutenant la malheureuse enfant à demi évanouie. « Dieu est le maître. Dieu nous l'avait donné, il nous l'a repris. Il n'y a plus d'espérance. »« Plus d'espérance ? Oh mon Dieu, c'est affreux !» Mon père, mon pauvre père bien-aimé, mais enfin, de quoi est-il donc mort? Est-ce la foudre qui l'a frappé? Cette foudre qui s'abat parfois sur ceux qui la redoutent le moins, le crime. Mon père assassiné? Assassiné. Pourquoi? Mais pourquoi? Il était si bon. Et par qui, mon Dieu? Il n'avait pas d'ennemis. Ceci, Sabine, ma pauvre désolée, la justice le cherche et va te demander tout à l'heure si tu peux lui aider dans son œuvre. Lui aider? Mais que sais-je? Je dormais, moi. Je dormais tandis qu'on égorgeait mon père. Je dormais, il m'appelait peut-être, et un secret pressentiment ne m'a point averti. Je dormais et je disais l'aimer. Ne t'adresse point de reproches, Sabine. Pendant cet acte monstrueux, j'étais loin, et Xavier lui-même n'a rien entendu. Comme je te l'ai dit, il ne sait rien encore, et il faut que j'accomplisse cette seconde partie de ma tâche. Aide-moi, Sabine. Le fardeau que je porte est lourd. Je succombe presque sous son poids. La fille est désespérée. La chrétienne doit se relever. Garde la dignité de ta douleur. Souffre et prie, mais sans crier, si tu le peux, sans larmes. Promets-moi de ne point chercher maintenant à voir la dépouille de notre père. Plus tard, quand les magistrats auront quitté cette maison, nous la garderons, nous la veillerons ensemble. Me donnes-tu ta parole? Je te la donne, Sulpice. Va vers Xavier, va. Sabine courut à son prie-Dieu, embrassa les pieds de son crucifix et les baigna de ses pleurs. Comme le jeune prêtre allait se rendre auprès de son frère, on le prévint que le juge d'instruction l'attendait. Sulpice rassembla toutes ses forces, celles de son cœur pour ne pas faillir, celles de son esprit pour ne trahir ni par un mot ni par un geste le secret qui était le secret de Dieu. Au moment où il franchissait le seuil du cabinet de son père, où l'attendaient les magistrats, Xavier, quittant brusquement son appartement, interrogeait Baptiste sur ce qui se passait. « Monsieur l'abbé, dit le juge d'instruction d'une voix pleine de déférence, veuillez prendre un siège. Je vous demande pardon de remplir mon mandat dans un moment semblable, mais la justice ne saurait attendre. « Je suis prêt à vous répondre, monsieur, » dit Sulpice Pomereul. Monsieur Gobert fit signe au secrétaire, et celui-ci se tint prêt à écrire. « Vous êtes sorti de bonne heure de l'hôtel hier soir. » « Vers 8 heures, monsieur. On m'appelait auprès d'un malade. « Vous êtes rentré ?» « Avant minuit et demi. Comme je gravissais l'escalier, deux hommes le descendaient. L'un d'eux m'a dit « Monsieur l'abbé, nous réclamons le secours de votre ministère. Il y va du salut d'une âme. Je suis allé où l'on m'appelait. J'ai rempli ma tâche et, en rentrant, « Vous n'avez rien de plus à révéler à la justice ?»« Non, monsieur. »« Vous pouvez vous retirer. Le témoignage de mademoiselle Pomereul nous est indispensable aussi, et nous l'attendons. »« Je vais chercher ma sœur, » répondit Sulpice. Une minute après, Sabine, soutenue par son frère, entrait à son tour dans le cabinet. L'expression de son visage était touchante. On voyait qu'essayant de suivre l'exemple de son frère, elle faisait d'héroïques efforts pour contenir sa douleur. « Mademoiselle, demanda le juge d'instruction, vous avez passé seule avec votre père cette dernière nuit dans le vaste appartement du premier étage. »« Seule? Monsieur, je n'en suis pas sûre. Peut-être mon frère Xavier est-il resté durant la soirée à la maison ?» « Je croyais que monsieur votre frère dépensait ses soirées et même ses nuits au cercle. »« D'habitude, oui, monsieur. Du reste, il vous l'apprendra lui-même. »« Vous n'avez entendu aucun bruit insolite ?»« Non, monsieur. J'ai quitté mon pauvre père à 9h30. Je l'ai laissé là où vous êtes, monsieur. Je suis rentrée dans ma chambre. Pendant une heure, j'ai écrit sur mon mémorial les faits intéressants de la vie de famille. » Comme je fais chaque jour. Je me suis couchée. Sulpice vient de tout m'apprendre. Vous ne connaissez point d'ennemis à monsieur Pomereul. Il avait fait des ingrats, monsieur. Il ne comptait point d'ennemis. Ainsi, aucun souvenir ne vous frappe, aucune lueur ne vous éclaire. Personne dans votre entourage ne souffrait de la gêne. ne gardait rancune du refus d'un service. Mon père ne refusait jamais les services qu'il pouvait rendre. Je sais qu'avant-hier, son ami, M. André Niçois, lui avait demandé 100 000 francs pour la fin du mois. Mon père les avait envoyés chercher. On le trouvait toujours prêt à obliger, toujours disposé à répandre l'aumône. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Si plus tard j'ai besoin de vous interroger encore, vous voudrez bien vous tenir à notre disposition. Sabine gagna lentement la porte et quitta le cabinet. Elle traversait le corridor quand une explosion de larmes, de cris, de paroles entrecoupées parvint à son oreille. Xavier, à qui Baptiste avait dû tout révéler, s'était, malgré les efforts du fidèle serviteur, précipité dans la chambre mortuaire, puis se jetant sur le cadavre de Pomerel, l'étreignant sur sa poitrine, il lui parlait avec une éloquence désespérée. Il l'adjurait de lui répondre. Il se répandait en prières, en supplications. Le mot de pardon revenait sans cesse sur ses lèvres, et l'accès de sa douleur touchait presque à la folie. Baptiste le prévint vainement que les magistrats l'attendaient. Il ne quitta pas sa place. Que lui faisait la justice? Les formalités lui rendraient-elles son père? La justice agirait plus tard, et il lui restait si peu d'heures à lui pour garder dans ses bras, sur son cœur, cette chair dépouille qu'une autre loi lui viendrait enlever. Baptiste alla exposer à M. Gobert l'inutilité de ses efforts. Celui-ci se leva et dit au commissaire de police « Allons le trouver et questionnons-le là où il est. » Les magistrats se dirigèrent vers la chambre et s'arrêtèrent sur le seuil. Le tableau qui s'offrit à leurs yeux était réellement navrant. Ce cadavre défiguré, ce jeune homme insensé de désespoir aurait ému les âmes les plus rigides. « Quelle douleur !» dit M. Aubry au juge d'instruction. « Un peu bruyante, » répondit celui-ci. « Ah, par humanité, laissons-la s'épancher, monsieur le magistrat. » Xavier tenait une des mains de son père et, s'adressant au cadavre, aurait dit « Père, » disait-il, « Père, c'est donc fini. Tu ne me regarderas plus jamais. Tes lèvres ne s'ouvriront plus pour m'appeler ton fils. Tu es perdu pour moi, sans ressources, sans appel. » Perdu, muet, mort, c'est horrible, horrible. Et me dire que lorsque tes yeux se sont fixés sur moi pour la dernière fois, tes regards exprimaient la colère, et que ta bouche, au lieu de m'adresser d'affectueuses paroles, m'a chassé, m'a presque maudit. Le commissaire de police allait s'approcher de Xavier quand M. Gobert le retint brusquement. « Écoutez, écoutez, » fit-il avec autorité. « Ah, j'ai été méchant et ingrat, j'ai payé tes bontés par des chagrins, j'ai répondu à ta tendresse par l'indifférence. Mes fautes ont affligé ta vie et mon crime. » Xavier n'acheva pas. Des sanglots convulsifs le secouaient. M. Gobert laissa passer cet orage et serra d'une façon significative la main du commissaire de police. Xavier reprit. « Pour de l'argent. » Cet argent maudit que je dépensais en folie, en débauche, j'ai troublé ton bonheur. L'argent, il m'en fallait pour mes soupers, pour mes chevaux, il m'en fallait pour le jeu. Pardon, pardon, je me repens, je t'implore. Pardon, mon père, ou je meurs à tes pieds. Quoi, tu ne me feras jamais comprendre que ta bonté oublie tout, au sein de l'éternité, tout, jusqu'à... Oh, je suis bien réellement perdu, bien réellement maudit. Le juge murmura à l'oreille de M. Aubry. « Sortons sans bruit. » À peine M. Gobert se trouvait-il de nouveau dans le cabinet qu'il frappa sur un timbre. Baptiste parut. « J'aurai de nouveaux éclaircissements à demander à Mademoiselle Sabine. Priez-la de venir ici. » Puis, quand Baptiste se fut éloigné, « Monsieur Aubry, » dit le juge d'instruction, « notre mission se simplifie beaucoup, ce me semble. Vous croiriez? Que pensez-vous donc vous-même? Moi, rien, je vous jure rien. » « Vous vous trompez. L'idée qui m'obsède depuis un instant a traversé votre esprit. »« C'est impossible, » fit Aubry. « Tout est possible. Vous êtes jeune encore. Vous arriverez au même degré de scepticisme que moi. » Sabine entrait. Le magistrat se tut. « Mademoiselle, » reprit M. Gobert, « dans une semblable affaire, tout concourt à éclairer la justice. » Il faut que nous connaissions parfaitement l'intérieur de cette maison, ses habitudes, pour nous guider dans nos recherches et nos poursuites. Ne craignez rien, mais ne dissimulez rien. Votre devoir est de dire la vérité tout entière. Vous devez être la première à souhaiter le châtiment du coupable. Ma douleur est trop grande, monsieur, pour que je songe à la vengeance. Dans quelle disposition d'esprit était monsieur votre père quand vous le vîtes pour la dernière fois? N'avait-il point éprouvé un chagrin? En effet, monsieur, mais un chagrin passager. Il s'agissait de peu de choses. Mon père était bon. Il s'agissait, n'est-ce pas, d'une demande d'argent adressée par monsieur votre frère? En effet. Monsieur Pomerol refusait de subvenir encore à ses folles dépenses. Oui, monsieur, mais il eût cédé. J'avais offert à Xavier mes bijoux et mes économies. Il m'avait refusé, donc il comptait toujours sur l'affection et la générosité de notre père. Peut-être aussi le chiffre de sa dette dépassait-il celui des ressources dont vous pouviez disposer. Cela se peut, monsieur. N'avez-vous été témoin d'aucune scène violente entre monsieur Pomerol et votre frère? Sabine hésita. Votre devoir est de parler, mademoiselle, dit le magistrat d'une façon presque sévère. La jeune fille leva sur M. Gobert des yeux voilés de larmes. Celui-ci ne parut point s'apercevoir de la souffrance de Sabine. M. Aubry seul lui jeta un regard de compassion. « Avant-hier soir, reprit Sabine avec effort, mon père eut avec Xavier une longue conversation. J'ignore ce qu'ils se dirent. Seulement, l'éclat de leur voix étant parvenu jusqu'à moi, j'eus peur. » Dans le désir de me rendre médiatrice entre eux, je quittai ma chambre. Je vins ici. Mon père semblait irrité. Xavier hors de lui-même. Ah, certes, car sans cela, il n'eût jamais dit ce qu'il osa dire. Xavier est léger, prodigue. Il n'est pas méchant. Et que dit-il, mademoiselle? Il s'écria, « Vous me refusez? Il y aura un malheur dans cette maison. » Sabine articula à peine ses dernières paroles. L'effort qu'elle venait de faire acheva de la briser. Elle tomba évanouie. Monsieur Aubry s'élança vers elle. « Oh, vous l'avez mise à la torture, monsieur. »« Oui, mais de cette torture a jailli la vérité. » Monsieur Gobert fit mander la femme de chambre de Sabine. « Portez votre maîtresse sur son lit, » dit-il. « Le docteur Arnal n'a pas encore quitté l'hôtel. Il lui donnera ses soins. » Puis, se tournant vers le commissaire de police, « Nous tenons l'affaire, » dit-il. Le secrétaire reçut l'ordre d'aller arracher Xavier de la chambre mortuaire et de l'amener devant les magistrats en dépit de sa résistance. Xavier ne se rendit point tout d'abord à la prière de M. Gobert, transmise par le secrétaire avec une exquise politesse. Il dut obéir à une adjonction formulée d'une façon impérative. Quand il parut dans le cabinet, livide, les vêtements en désordre, le corps agité par un tremblement convulsif et sous l'influence d'une exaltation farouche, il refusa de s'asseoir et s'avançant vers le bureau auquel il se cramponna des deux mains, il dit d'une voix altérée à M. Gobert « Ne pouvez-vous, monsieur, me laisser pleurer encore mon père et la justice ne serait-elle passée après la tendresse filiale ?»« Monsieur, » répondit le magistrat avec une froideur compassée, l'abbé Pomerol et votre sœur ont respecté en nous les représentants de la loi. Veuillez les imiter. Que voulez-vous que je vous apprenne sur ce crime, monsieur? Je ne sais rien, rien. Je ne soupçonne même pas. Il faudra que ce lâche assassinat soit vengé pourtant, et je vous y aiderai de toutes mes forces. Mais en ce moment, laissez-moi pleurer. Laissez-moi près du cadavre de celui qui fut mon père. Vous l'aimiez beaucoup? Demanda M. Gobert. « Oui, beaucoup, monsieur. »« Cependant, vous lui causiez de violents chagrins. »« J'ai commis des fautes, monsieur, des fautes graves, c'est vrai. Leur souvenir m'accable assez à cette heure pour que vous ne me les reprochiez pas. »« Vous aviez des dettes ?»« Oui, monsieur. »« Provenant d'achats imprudents ou de suites de jeux ?»« Des deux sortes. »« Dernièrement, surtout, vous avez perdu une grosse somme. » »« Il y a deux jours. » Il s'agissait de 40 000 francs. Vous les aviez perdus sur parole? Sur parole. Et votre père refusait de solder cette dette? Il le refusait. Ce refus n'occasionna-t-il point une scène violente ? Je me le reproche amèrement. Vous vous êtes alors emporté jusqu'à la menace. Non, monsieur. Mon chagrin a pris seulement les proportions du désespoir. Je me voyais déshonoré et je songeais à commettre un crime ? Oui, monsieur, dit Xavier d'une voix étouffée. Monsieur Aubry regarda Xavier avec l'expression de la stupeur. Monsieur Gobert poursuivit son interrogatoire. Les habitudes de votre père étaient régulières. Vous saviez qu'il se couchait de bonne heure et vous avez attendu qu'il fût endormi pour pénétrer dans son appartement. Est-ce vrai ? C'est vrai, balbutia Xavier, écrasé par ses souvenirs. Marchant pieds nus, vous avez gagné la chambre où il reposait. Puis, dérobant son trousseau de clés, vous êtes venu ici pour ouvrir la caisse et y prendre la somme dont vous aviez besoin. Le jeune homme cacha son front dans ses mains. Rien d'étonnant à ce qu'un fils connaisse le secret de la caisse paternelle, poursuivit le juge d'instruction en appuyant sur les mots et en faisant sentir leur portée par des silences. Vous ouvrez le coffre, il est rempli de valeurs et contient entre autres les 100 000 francs destinés à monsieur André Niçois. La vue de l'or, des billets de banque vous trouble, vous fascine, vous rend fou. C'est cela, mon Dieu, c'est cela, fit Xavier éperdu. Vous vous baissez, vous enfoncez vos mains dans l'or, dans les billets, et chargé de ces dépouilles. Xavier heurta la table du poing. Ce n'est plus cela, fit-il avec éclat. J'ai été tenté, j'ai pris les clés, j'ai ouvert la caisse, mais je n'ai pas volé. Non, sur mon âme, je n'ai pas volé. Il prononça ces mots avec un accent de vérité qui remua puissamment monsieur Aubry. Le juge d'instruction reprit d'une voix impassible. Vous étiez venu pour cela, cependant. C'est vrai, je l'avoue, je le confesse. Je me disais qu'en somme, la fortune de mon père me reviendrait en partie, que j'escomptais simplement son héritage. Sa colère m'effrayait moins que la pensée d'être affiché au club. Pendant toute la soirée, je me payais de dangereux sophismes, j'écoutais mes passions, j'imposais silence à ma conscience. Je ne fus pas même ému par le sommeil de mon père, mais au moment de prendre l'argent dont j'avais besoin, à l'heure de me libérer d'une dette par un crime, mes yeux épouvantés se fixèrent sur le portrait de ma sainte mère. Mon courage, si l'on peut appeler cela du courage, tomba brusquement. Je vis ce qu'était l'acte que j'allais commettre, et je m'enfuis épouvanté de moi-même. Et cependant, l'argent a disparu et votre père est mort. Monsieur, mais monsieur, demanda Xavier en fixant un regard épouvanté sur le magistrat, si vous m'accusez d'avoir volé mon père, vous m'accusez donc aussi de l'avoir assassiné ? Depuis une heure, j'en ai la conviction, répondit monsieur Gobert. Moi ? Moi, son fils ? L'assassin de cet homme qui fut le meilleur des pères ? Oui, le meilleur des pères pour un fils dénaturé. Et, se levant avec toute la rigidité de sa nature et l'autorité de son mandat, monsieur Gobert ajouta « Vous aurez à répondre devant la justice de l'accusation de parricide. »« Moi ? Moi ?» fit Xavier. « À partir de cette heure, vous êtes sous le coup de la loi. » Les yeux de Xavier s'agrandirent d'horreur. La pensée vacilla dans sa tête et il tomba sur un siège en proie à une violente crise nerveuse.